Vous écoutez France Culture. Quatrième et dernier temps de notre semaine consacré à Louis-Philippe, sa période et son histoire. Après avoir visité lundi les galeries historiques de Versailles, qui sont le reste de ce grand musée d'histoire de France qu'avait voulu Louis-Philippe en compagnie de Pierre Nora. Puis mardi, de nous être promenés dans la colonie sociétaire de Condé-sur-Vègre, donc une utopie en l'occurrence des années 1830. Et hier, d'avoir tenté de comprendre ce qu'était l'aura du chansonnier Béranger et les goguettes dans lesquelles on chantait ses chansons. Et bien aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ce qu'était ce règne de Louis-Philippe et pourquoi il est si mal connu et peut-être si mal aimé dans notre pays. Quelles ont été les évolutions du pays entre 1830 et 1848? Comment la société de ces années-là se pensait-elle dans la littérature par exemple ou dans la caricature? Voici ce dont nous débattrons entre autres en compagnie d'Anaïs Quin qui a préparé cette émission avec nous. De Laurent Theiss, il est président honoraire de la Société d'histoire du protestantisme français et auteur chez Fayard d'une biographie de François Guizot. Judith Lioncan est maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de La lecture et la vie. Et Sylvie April, professeure d'histoire contemporaine à Lille 3, directrice du laboratoire Iris et présidente de l'Association d'histoire de 1848, auteur du volume de l'histoire de France de chez Belin, consacré justement à la période de 1815 à 1870. Mais pour commencer cette émission du jeudi, faisons un petit tour d'horizon des nouvelles d'histoire puisées dans les journaux, les revues et sur le net. Saluons d'abord l'annonce cette semaine de la remise du Grand Prix des rendez-vous de l'histoire de Blois au Rhinocéros d'Or, livre sur le Moyen-Âge africain de François-Xavier Fauvel, et du prix de la Dame à la licorne remis par les amis du musée de Cluny au Royaume des Quatre Rivières de Léonard Dauphan, paru chez Champvallon. Deux excellents ouvrages parus la saison dernière et qui montrent combien la recherche sur le Moyen-Âge élargit ces temps-ci ses horizons géographiques. Saluons ensuite la mémoire de l'historien Jean-Marie Mayer, dont on a appris la mort la semaine dernière. Dans Le Monde, Philippe-Jean Catinqui rend hommage à cet historien du religieux et du laïc. Le Monde rappelle sa naissance en 1933 en Moselle, fils d'un inspecteur général de l'instruction publique, proche de Jean Touchard, étudiant de Pierre Renouvin, avec lequel il conçoit sa thèse sur le catholicisme social et la démocratie chrétienne, à travers la figure de l'abbé Lemire. Il devient l'historien des rapports de l'Église à la République. Philippe-Jean Catinqui rappelle son travail, son goût de l'enseignement à Sciences Po ou à Paris 4 et les grandes entreprises auxquelles il a participé ou qu'il a initié, comme l'histoire du christianisme des origines à nos jours. Le Monde conclut sur la biographie de Léon Gambetta, que Jean-Marie Mayer a publiée en 2008, et sur l'approche aussi humaine, dit-il, que rigoureuse qui fut la signature de cet historien précieux. Notons que l'approche de la commémoration du centenaire de 1914 conduit nombre d'institutions, d'archives en particulier, à lancer des initiatives, ainsi de cette grande collecte d'objets relatifs à la Grande Guerre lancée par Europeana. Vous ne connaissez peut-être pas Europeana, c'est la Bibliothèque numérique européenne, la BNF, partenaire de cette opération, la Bibliothèque nationale de France, baptisée donc la Grande Collecte, invite chacun d'entre nous à apporter documents et objets datant de cette période afin de les numériser et de les partager ensuite dans Europeana. Et cela se passera quand cette collecte? Eh bien, du 9 au 16 novembre prochain. Les particuliers sont invités à apporter dans les services culturels volontaires pour servir de point de collecte les archives départementales, les bibliothèques municipales, etc., des documents personnels relatifs à la Grande Guerre. Ils y seront accueillis, dit-on, sur le site donc de cette grande collecte, par du personnel compétent qui les accompagnera dans leur démarche en jugeant avec eux de l'intérêt du document, en prenant en compte leur histoire personnelle et en numérisant tout ou partie des pièces pour constituer une base de données virtuelle européenne de souvenirs de la Grande Guerre. 14 par le net, mais aussi 44 par le net. Le site Culturebox nous a appris la semaine dernière que la région Basse-Normandie avait décidé elle aussi de lancer un appel aux bonnes volontés. Elle voudrait faire cette région faire inscrire donc les plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO. La région note que 5 millions de personnes visitent déjà les 5 plages du débarquement et que beaucoup de vestiges malheureusement sont laissés à l'abandon et au souci de ceux qui aiment cette période historique et en particulier de beaucoup de volontaires et de bénévoles. La solution donc pour la région, c'est le patrimoine mondial et son prestige. Et pour ce faire, la région Basse-Normandie a construit un site Liberté, j'inscris ton nom, par lequel vous et moi pouvons choisir de soutenir la candidature des plages du débarquement à ce patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puisque nous sommes avec des historiens et des historiennes autour de cette table, est-ce qu'il y a une de ces nouvelles qui vous a intéressé, Laurent Theis ? Mais moi, je propose tout simplement de classer l'ensemble de la France au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça ira plus vite, étant donné le chemin dans lequel on est en train de s'engager. Après la gastronomie française, les plages, oui. Les collines, les montagnes, les fleuves. Ça serait pas mal. Et même de faire une carte de la France au 1/1000 pour pouvoir justement, tel que Borges la voulait, donc reproduire totalement le territoire français et en avoir ainsi une meilleure perception, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Sylvie April. Oui, je vais être un petit peu plus sérieuse. Je reviendrai sur la mort de Jean-Marie Mayer. J'ajouterai aux hommages que vous avez indiqués, donc celui qui est rendu par le Centre d'histoire du 19e siècle, qui fait un très bel hommage, très montre la présence de Jean-Marie Mayer dans ce centre, son rôle de patron de thèse et son infatigable curiosité aussi vis-à-vis donc de tous ceux qui travaillaient sur le 19e siècle et c'est le début de la Troisième République. Voilà. Et puis pour revenir aussi sur Europeana. Je crois qu'il faut bien spécifier aux gens qu'ils repartiront avec leurs objets. Oui. Je crois que c'est pour savoir ce qui s'est passé déjà au musée d'Ypres, il faut absolument dire aux gens qu'ils ne pourront pas déposer obus, casques et s'en débarrasser. Il s'agit de numériser. Ça n'est pas un vide-grenier en l'occurrence. Ce n'est pas un vide-grenier de la guerre de 14. Et puis si je peux faire une petite publicité pour ce que nous faisons dans notre laboratoire, nous sommes en train de faire une grande base de données qui a été labellisée donc, par la mission du centenaire, donc des monuments aux morts, qui est interactive, elle aussi, qui permet de déposer, elle aussi, des informations sur le net. Voilà. Merci donc, et nous allons maintenant commencer donc notre émission. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour. Autour de cette question donc qui nous a intéressé pendant toute cette semaine, de savoir ce qu'était ce règne de Louis-Philippe et pourquoi, d'une certaine façon, il était assez mal connu, aussi mal connu. Est-ce que vous avez cette impression-là, Laurent Theis, que c'est un règne mal connu, vous qui avez évidemment rendu un hommage fervent à François Guizot dans votre biographie. Pardonnez-moi, je n'ai rendu hommage à personne. Je me suis efforcé c'est un travail d'histoire, de faire comprendre qui était ce personnage qui a tenu en effet une grande place dans notre histoire du 19e siècle. Et dans l'histoire en général, puisque c'était aussi un historien. Un historien peut-être même d'abord, oui. Un historien aux affaires. Et donc, est-ce que vous avez l'impression que cette période-là, 1830-1848, est assez mal connue Je crois que quand on veut s'intéresser et attirer l'attention du public sur une période, on dit qu'elle est mal connue. En réalité, les publications, l'historiographie sur la Monarchie de Juillet, sans être aussi importante que par exemple sur la Troisième République... Et que Napoléon, mais pour des raisons qui sont faciles à comprendre. C'est un continuum qui commence en 1815 et qui se termine, à mon avis, en 1870. Donc, à l'intérieur de cette période où la France essaye de faire des apprentissages successifs d'institutions auxquelles elle renonce peu après les avoir installées, eh bien, la période de la Monarchie de Juillet, elle, n'est qu'une étape. Sylvie April, vous qui justement avez donné comme borne chronologique à votre volume sur l'histoire de France chez Belin, 1815-1870. Oui, les arguments sont évidemment assez clairs. Hein. C'est le dernier roi, c'est surtout la chute de la monarchie hein, qui souvent a intéressé les historiens. Et puis les contemporains eux-mêmes ont largement critiqué ce régime. Donc, et c'est vrai qu'ensuite, on a surtout parlé de la monarchie de Juillet et de Louis-Philippe en s'interrogeant sur la monarchie parlementaire, la monarchie constitutionnelle. Alors un registre qui était un registre registre plutôt peut-être d'histoire des idées, hein, quand on voulait essayer de trouver des aspects favorables, qui étaient un petit peu éloignés d'un récit événementiel, émotionnel, qui fait qu'on a un peu perdu la trace. Et puis le centenaire n'a pas non plus provoqué véritablement un engouement très, très, très, très fort. Et c'est vrai qu'on peut parler donc d'un régime oublié, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler également de tas d'autres périodes qui seraient méconnues. À nous de les revisiter. Julie Tioncan. Oui, c'est vrai que quand on regarde le type de découpage que les historiens effectuent sur le 19e siècle, ces 18 années sont ça rarement... Ça n'est pas peu, ça n'est pas peu, 18 ans. Non, ce n'est pas peu, mais elles sont rarement envisagées en tant que telles, alors même qu'il est vrai que dans les années 1850, un certain nombre d'historiens autoproclamés ou reconnus, ont tenté d'écrire des histoires du régime de Juillet. Alors c'est d'ailleurs intéressant que sous le Second Empire, on appelait ça le régime de Juillet. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait une très forte identification à la Révolution de 1830, comme si c'était le cœur, au fond, le nœud de ce régime. Aujourd'hui, les historiens travaillent volontiers sur la monarchie censitaire, c'est-à-dire qu'ils essayent d'élargir quand même la vision de 1815 à 1848, ou alors effectivement propose des traversées du beau 19e siècle, comme dit Philippe Boutry, de 1815 à 1870. Donc c'est assez difficile de considérer que ces 18 années aussi sont autonomes. Bon, aussi parce que beaucoup des individus sur lesquels on travaille, alors que ce soit Guizot ou d'autres, ou Thiers, ou hors de l'histoire politique, dans l'histoire Balzac, littéraire, dans l'histoire Hugo. Littéraire, etc., ont évidemment des trajectoires qui excèdent les bornes de cette période. Laurent Taïs. J'ajoute que l'histoire de la monarchie de Juillet, les premières histoires auxquelles fait allusion Judith Tioncan, ont été écrites par les vainqueurs. Et le règne de la monarchie de Juillet se termine en catastrophe, comme elle-même la Restauration. Mmh. Et donc la première génération, celle de Louis Blanc, par exemple, avec son histoire de 10 ans, c'est l'histoire écrite par les vainqueurs. Et cette historiographie a longtemps prévalu dans l'image donnée à la monarchie de Juillet. Il faut attendre véritablement la Troisième République modérée, les années 1880-90, pour qu'une autre historiographie se fasse jour, mais qui ne l'a jamais emportée dans l'esprit public. Alors on a raconté hier comment Béranger, sous la Restauration, avait appelé de ses voeux justement une monarchie un peu différente de celle qui était exercée par Louis XVIII et Charles X, et qu'il avait, au bout du compte, arrêté d'écrire des chansons, ou presque arrêté d'écrire, pendant la monarchie de Juillet. Moi, j'ai découvert en vous lisant, par exemple, que François Guizot ne connaissait pas Louis-Philippe avant de se mettre à son service et de devenir le principal personnage, pourrait-on dire, presque de cette monarchie de Juillet, surtout vers la fin de cette période. C'est étrange, il ne se connaissait pas, il ne s'était jamais rencontré. Il semble que Guizot n'ait jamais fréquenté le palais royal où résidait le duc d'Orléans, mais c'est quelque chose d'un peu circonstanciel, parce que d'autres dignitaires de la monarchie de Juillet, comme Thiers ou Molé, le connaissaient. Mais le fait est que, par un effet de génération qui, je crois, caractérise la vie politique dans ce premier 19e siècle, Guizot, par ses origines, par son parcours, n'a pas été amené à fréquenter quelqu'un dont on voyait bien, comme disait Louis XVIII, qu'il s'approchait du trône à petits pas, mais qui en même temps n'apparaissait pas, encore dans les années 1825-26, lors du tournant ultraciste de la Restauration, comme un recours qui s'imposait. De sorte qu'un des intérêts, je crois, de la monarchie de Juillet, c'est d'avoir amené au premier plan des hommes venus d'horizons beaucoup plus différents que la génération précédente qui a organisé la Restauration. Alors, vous évoquez justement cette possibilité qu'il y ait eu, en l'occurrence, et pas simplement en France, mais dans toutes les révolutions qui se sont déroulées aux alentours de 1830. Sylvie April, dans un livre qui vient de sortir, un livre collectif, qui s'appelle « La liberté guidant les peuples, les révolutions de 1830 en Europe », que vous avez co-dirigé avec Jean-Claude Caron et Emmanuel Furex, vous évoquez la possibilité qu'il y ait eu une génération 1830. Qu'est-ce que ça veut dire, cette génération 1830? Alors c'est surtout l'idée de la jeunesse qui est importante, cette idée donc d'un gouvernement qui mettrait en avant partout la jeunesse, et qui est un petit peu évidemment paradoxal, puisque nous avons là un roi qui n'est pas tout jeune. Je crois qu'il y a un âge important. Alors, il a 16 ans au moment des États généraux. Oui. Voilà. Donc on a quelqu'un qui ne représente cette question de savoir s'il représente l'ancien régime. Il est simplement né à ce moment-là et donc il a évidemment une carrière. Donc on a un mouvement qui va sanctifier la liberté et également la jeunesse hein, partout en Europe. Donc en France aussi, il y a cette volonté de régénération, de renouvellement qui est présente. Et que va incarner ou non, ça va être toujours un peu... Enfin, j'aime bien la formule de Bory, qui est, c'est une espèce de... La marche de juillet, c'est un concert de discordance. Et oui. C'est vrai que, voilà, on a cette fusion de choses qui vont dans tous les sens, peut-être. C'est-à-dire qu'en 1830, il y a quand même une ouverture de la parole, de l'écriture qui est considérable, puisqu'il y a tout d'un coup, la presse se libère et que donc quantité de gens qui ne pouvaient pas prendre la plume librement le font. Et... se mettent tous à écrire une sorte d'espoir, enfin, de faire entendre leur voix, de s'exprimer. Mais qui sont ces gens, justement, discordants, mais qui néanmoins considèrent que ce moment-là est un moment important, ce moment 1830 est un moment important, Judith Lioncourt. C'est-à-dire que, ce que eux-mêmes ont beaucoup dit, c'est que le niveau général de l'éducation, le fait de... c'est quelque chose qui est beaucoup dit à ce moment-là. C'est-à-dire que se trouve en capacité d'écrire, de prendre la plume, des générations de plus en plus nombreuses, bon, celui qui est lié à la politique scolaire de la Restauration. Hein. Et tous ces gens donc essayent d'entrer en écriture dans une presse qui est extrêmement diverse, bon, qui va se trouver resserrée après 1835. Mais tous disent que le temps de la Restauration est terminé, et qu'ils vont enfin pouvoir mener les carrières publiques, notamment auxquelles ils aspirent. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très thématisé au début des années 1830. C'est-à-dire qu'ils se racontent eux-mêmes. Et qui s'aigrit ensuite un petit peu, puisque finalement, les espoirs de 1830 se trouvent un petit peu contredits par ce qui est perçu comme une inertie de la société malgré tout. C'est quoi pour vous ce moment 1830 et pour les contemporains? On a compris que pour les contemporains c'était important, mais pour l'historien, c'est quoi ce moment 1830, Laurent Theis? Eh bien, je crois que c'est l'avènement de la monarchie. On a parlé de la République des professeurs, mais c'est la première monarchie des professeurs et de vos confrères journalistes. Il est frappant, par exemple, que les trois principaux ministres de l'instruction publique de Louis-Philippe étaient tes cousins Villemain et Guizot, qui ont été des grands professeurs, d'ailleurs interdits de cours à un certain moment, à la faculté des lettres, donc à la Sorbonne. Il est frappant aussi que Thiers ait pour origine le journalisme et ait pour ambition de devenir un grand historien dans son temps. Il est frappant de voir que des personnalités aussi diverses que Cuvier ou Arago, qui sont eux des scientifiques, prennent aussi des positions prépondérantes à l'intérieur de cette monarchie. C'est donc, je crois, un effort intellectuel qui crée justement cette floraison, cette dispersion dont on parlait, des opinions qui se rencontrent avec aussi la disparité des intérêts. C'est donc une société qui est mise en mouvement et... À un moment, bien entendu, comme les acteurs ne vont pas aussi vite que le cours des choses, ce qui était ressenti comme une innovation, comme un élan au début, au bout de 18 ans, mais 18 ans, c'est plus que la moyenne des régimes pour les quatre du 19e siècle, eh bien, ce mouvement s'est trouvé épuisé par son succès même. Anaïs Quien. C'est aussi le dernier consensus royaliste, Laurent Theis. On hésite quand même. Juste après les Trois Glorieuses, on crie le nom de Napoléon. Les Républicains ne sont pas loin. Finalement, la royauté arrive assez tard pour. Je ne dirais pas que c'est le dernier moment du royalisme. Je dirais que c'est le dernier moment de la monarchie. Mais la monarchie peut s'incarner dans un roi, aussi dans un empereur. Oui, donc la monarchie française n'a pas encore épuisé ses effets. Et je vous fais remarquer que c'est aussi une monarchie qui est une monarchie des Français, comme l'avait été pendant un an et demi, deux ans, la monarchie de Louis XVI, roi de France, promu ou déclassé, comme mais on voudra, roi des Français. Arrive par un coup d'État, c'est quand même différent. Non, le coup d'État, il est provoqué par le régime précédent. c'est le coup d'État, c'est la violation de l'esprit, même de la lettre de la charte de 1814. C'est un petit coup d'État. Il y a eu quelques centaines de victimes. Mais non, ça n'est pas un coup d'État. C'est au fond l'avènement, je dirais presque naturel, de ceux qui frappaient à la porte depuis les années 1820. Cette génération dont un des très frappants est souvent d'être enfant perdu de la Révolution. Je parlais du coup d'État de Napoléon III. Oui, oui, vous parlez de Napoléon III. Oui. Ah, je vous prie, m'excusez. Je pensais parler de. C'était là que mettait la différence. Ouais. Quand même, oui. C'est qualifié de coup d'État aussi. C'est une très très grosse différence parce que en 1830, c'est une certaine opinion publique qui fait le roi. Et en 1851 et 52, c'est au contraire la force qui s'impose, sur une base sociale d'ailleurs qui pouvait représenter à l'époque un certain consensus, comme les plébiscites l'ont prouvé. Sylvie April, à propos justement de ce moment 1830 et de ces espoirs qui peut-être vont être donc détournés au fur et à mesure de ce règne de Louis-Philippe. Oui, je crois qu'il faut aussi voir, et c'est l'historiographie aussi, et les contemporains, bien sûr, avant qui l'ont construit, c'est qu'on a, on a créé cette fermeture sur les trois journées, sur le baiser, l'adoubement donc, par Lafayette, le serment sur la charte, qui n'est donc pas une cérémonie religieuse, hein, donc de la prise de fonction, en quelque sorte, du roi. Mais en même temps, est-ce que la Révolution s'arrête là ? En fait, de plus en plus, on se rend compte que les événements qui ont lieu, le procès donc des ministres, les événements qui ont lieu, le sac de Saint-Germain-l'Auxerrois en 1931, on peut même aller jusqu'à évidemment la révolte des Canuts, tout ça. On a l'impression que cette révolution ne s'est pas forcément arrêtée, même si évidemment on a un discours qui est d'achèvement de cette révolution. Donc il y a peut-être aussi, et c'est en cela souvent qu'en regardant à l'extérieur, on voit comment 31 peut être finalement le moment, le climax un peu des révolutions, que tout ne s'arrête pas non plus et que le moment qu'on prend comme un moment de stabilisation n'est pas véritablement un moment de stabilisation. Il est largement, alors on parle de stabilisation, on parle du système du roi, la clé de voûte, enfin il y a tout un discours qui se met en place et qui a été largement raisonné parce que ces gens ont eu largement le temps de réfléchir aux politiques pendant toutes leurs années d'exil. Mais que veut exactement Louis-Philippe quand il prend le pouvoir en 1830 ? C'est-à-dire, est-ce qu'on sait exactement ce qu'il veut ? Vous venez de décrire plusieurs moments importants, le serment sur la charte, la réconciliation, la volonté, on l'a raconté en se promenant dans les galeries de Versailles donc, et dans ce grand musée d'histoire de France que voulait justement Louis-Philippe. Qu'est-ce qu'il veut exactement, Laurent Theis, Louis-Philippe ? Est-ce qu'il veut réconcilier les deux Frances, coupé par la Révolution française, comme on l'a dit souvent ? Qu'est-ce qu'il veut exactement ? Est-ce qu'on sait ce qu'il veut ? Louis-Philippe ne prend pas le pouvoir, on le lui transmet. C'est un vote parlementaire qui lui transmet la régence d'abord, très brièvement, puis lui confère la monarchie. C'est donc un roi qui est issu d'un mouvement d'opinion. Même, ce qu'il veut, eh bien, tout l'effort de Louis-Philippe pendant ses 18 ans sera justement d'ajuster au fond le fait au droit. C'est-à-dire que c'est un monarque venu d'une certaine manière de l'extérieur, parce que Bourbon, ou quoi que Bourbon, ce sont les deux interprétations qui courent tout au long de la monarchie de Juillet, il s'efforcera de ramener à lui, en usant très habilement, notamment par sa connaissance de la culture et de la politique anglaise, en usant très habilement des différents partis représentés au palais Bourbon, pour s'installer comme la clé de voûte, et il trouvera seulement en 1840, avec la complicité ou avec le soutien de Guizot, le moyen d'apparaître comme incontournable, comme on dit aujourd'hui, dans le jeu institutionnel qui, pendant longtemps, l'a cantonné dans un rôle, non pas seulement officiel, mais l'a cantonné dans un rôle où il n'avait pas la tête du pouvoir exécutif. J'ajoute simplement que toujours, il s'est conformé aux résultats des élections et que jamais il n'a cherché à faire prévaloir, mais il a rapidement renoncé, à faire prévaloir le parti du château contre ce qui était issu d'un suffrage censitaire, mais dont le nombre d'électeurs a triplé en 18 ans. Sylvie April. Oui, je ne sais pas si c'est véritablement une ode au parlementarisme qu'on peut voir dans le travail de... Bon, je serais peut-être... Une note peut-être au parlementarisme anglais, soit, mais enfin, bon, la façon dont il peut parfois envisager le travail des parlementaires. Je crois que s'il y a une science de l'État, ce qui est important, c'est peut-être une science de l'État, de l'administration qui se met en place et qui serait peut-être, à mon avis, un des éléments importants à retenir. C'est ce que essayer de sacraliser à autre chose peut-être que la personne même du roi. Chercher donc à trouver dans l'administration qui est un débouché pour tous ces jeunes dont parlait Judith Pioncan, essayer de voir comment effectivement on peut essayer de trouver d'autres moyens de sacraliser le pouvoir et de lui donner donc un rôle dans l'espace national. Oui, parce que tout de même il y a des profonds bouleversements sociaux qui se déroulent pendant cette période-là. On voit la montée importante du nombre de fonctionnaires par exemple, la création presque d'une classe de fonctionnaires. Julie Clancan, qu'est-ce qui se passe dans cette société? Comment elle est travaillée justement par l'arrivée de ce roi au pouvoir, par ses idées qui sont peut-être pas toujours très nouvelles, mais enfin qui sont en train de se développer, et justement par le bouillonnement social qui y correspond en l'occurrence? Disons que si on prend le point de vue des contemporains, qu'en réalité l'historiographie ne fait que commenter, reproduire, parce qu'il est très difficile de juger d'un état social indépendamment des écrits auxquels il a donné lieu. Ce qui est thématisé très fortement, c'est l'idée d'une sorte de grande marmite, de brouillage, dans lequel les identités sociales seraient illisibles, d'un temps post... Enfin, il y a la très forte thématisation d'un temps post-révolutionnaire où les identités sociales sont brouillées. Mmh. Et ce qui se passe, en tout cas dans l'écriture, c'est quelque chose qui... Tout se passe comme si l'Ancien Régime s'éloignant et donc prenant une sorte d'image plus nette, apparaît comme un temps où les identités sociales étaient claires. C'est Balzac qui oppose les caractères tranchés de l'ancienne France, le brouillage de cette France-là. Mais Balzac le fait avec un brio qui fait que ses écrits ont traversé le temps jusqu'à nous. C'est un thème qui est d'une banalité totale. Je veux dire, tout le monde écrit ça, ça fait absolument partie des lieux communs les plus rebattus. Balzac les travaille, comme il fait toujours, parce que c'est comme ça que l'écriture balzacienne fonctionne. Balzac les travaille de l'intérieur, en les ironisant pas mal d'ailleurs. Mais cette idée que donc les identités sociales sont en creux, que tout est illisible, alors ça a été très repris par l'historiographie. Ce qu'il faut voir, c'est que ça sert surtout à des dizaines de journalistes, d'écrivains et d'éditeurs, à publier des textes, parfois illustrés d'ailleurs, pour dire ce qu'est la société française aujourd'hui. Et il y a une immense curiosité du lectorat, une curiosité sociographique, enfin sociologique. Ça, c'est aussi l'époque où on lance de grandes enquêtes, Villermet et d'autres, qui sont des enquêtes sociologiques. Mais qui s'appuient sur un souci, alors pour le coup, administratif, oui, très bien fort, sûr, des populations. Qui est effectivement d'administrer les populations de la manière la plus éclairée possible. Ça, donc l'ingénierie sociale est à l'œuvre, comme on dirait aujourd'hui, avec le vocabulaire d'aujourd'hui. On peut dire ça comme ça. Mais avec ça, donc, il y a cette idée que une sorte de grand bouillonnement de la société française. Et d'ailleurs, dans le patois journalistique de l'époque, il y a des termes qui sont très caractéristiques, qui sont l'idée de bazar, de macédoine, de miroir éclaté, de mosaïque, de grand magasin, de mosaïque. C'est-à-dire que voilà, ce sont toutes sortes de figurations comme ça d'un social explosé, multiforme, difficile à lire, et qui a ensuite donné lieu à des analyses et des écritures qui sont restées très célèbres. Anaïs Quin. Dans le jargon que vous citez, on a la sensation que ces commentaires sont plutôt négatifs. On ne se réjouit pas de ce rejeu, de cette redistribution des cartes. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez joyeux en réalité dans la description d'un social multicolore, multiplié. L'idée aussi que beaucoup sont appelés à écrire pour rendre compte de cette diversité du monde. Il y a par exemple, et vous l'avez sous les yeux, la réédition des gravures et pas du texte lui-même de cette immense entreprise. Je crois que c'était en 8 tomes, c'est ça, des Français par eux-mêmes, peut-être même 3, plus. Oui, plus 1, oui, ouais. 9. 9 tomes, donc des Français peints par eux-mêmes, qui datent de cette période-là, aux alentours de 1840, donc qui est donc un travail à la fois de caricature, de graphisme, de dessinateur donc de l'époque. Tous les dessinateurs y concourent, et puis aussi d'écrivains qui tentent comme ça de classifier socialement des sortes de stéréotypes de la société française de l'époque. Alors, les Français peints par eux-mêmes, c'est une entreprise qui a été lancée par un éditeur qui était très célèbre dans le monde de l'édition parisienne, qui s'appelait Léon Curmer, et qui a eu l'idée, en s'appuyant sur une mode qui existait déjà, qui était la mode des physiologies sociales. Donc, c'est-à-dire cette idée qu'on pouvait faire des portraits de tous les types sociaux existants, de l'étudiant à la grisette, de l'épicier à la femme comme il faut. Curmer a repris compris cette mode et a décidé d'en faire une sorte de livre de demi-luxe, on va dire, en faisant collaborer toutes les grandes plumes du journalisme, de la littérature et du dessin de son temps. Et c'est qui, donc, c'est Gavarnie, sorti, donc c'est Gavarnie, c'est Daumier, c'est Bertal, et puis de l'autre côté, c'est Balzac, c'est Vigny, c'est Georges Sand, c'est Frédéric Soulier, Léon Gozlan, etc. Mais aussi des gens qui sont des professionnels du monde social. Par exemple, un inspecteur général des prisons qui écrit des textes très informés sur le monde des prisons, bon, qui peuvent être sur les détenus. Donc une sorte de collaboration comme ça, très variée, de type d'écrivains qui vont faire ce que Kurmer appelait une encyclopédie morale du 19e siècle illustrée. Mais ça, qu'est-ce que ça dit tout cela, comme d'ailleurs l'entreprise de la comédie humaine, comme d'autres entreprises du même type qui se déclenchent à ce même moment, de ce que montrait donc à l'instant même Judith Lioncamp, c'est-à-dire ce bouillonnement, cette impression que les frontières sont de plus en plus floues. Qu'est-ce que ça dit de cette société-là et de ce moment-là, justement? Ça dit beaucoup de choses. Laurent, je crois qu'un des constats qu'on peut faire, c'est qu'une des grandes convictions, pas seulement des convictions, mais des pratiques de l'époque, c'est que la littérature peut tout. Que ce soit la littérature, c'est-à-dire les rapports qu'envoie l'inspecteur primaire, c'est une création de 1834, de Guizot, que ce soit en effet les rapports des préfets qu'il faut lire, même s'ils sont orientés, évidemment, tout peut se dire, toute la politique, mais aussi toute la société, peut se dire par la littérature. Même le moindre de ces textes, ou même de ces circulaires, est très travaillé, enfin, spontanément écrite, dans un langage qui, maintenant, nous paraît comme véritablement littéraire. Ça dit autre chose aussi. C'est que, comme le disait Sylvie April, l'effort de l'administration est de rendre la société, sinon transparente, tout au moins, d'en avoir la connaissance qui permet le gouvernement de la raison. Mmh. Et c'est un des motifs qui explique que, dans le système de la monarchie de Juillet, le suffrage n'est pas le seul ressort politique. L'administration, à tort ou à raison, sans doute en partie à tort, estime qu'elle a accès à l'opinion publique aussi bien, peut-être même mieux, par ses enquêtes, par ses fonctionnaires en nombre croissant. Il ne faut pas exagérer. Les salariés du ministère de l'Instruction publique au siège du ministère sont 30 salariés. C'est-à-dire, ça a beaucoup changé depuis. Ça n'est pas encore le mammouth décrié. La connaissance de la société, la pédagogie de la société, est un des facteurs de gouvernement autant ou presque autant que l'expression de l'opinion restreinte. Sylvie April, alors tout de même, tout le monde ne concourt pas à ce régime. Il y a des tensions à l'intérieur de la société. On a expliqué combien les années de 1830 sont aussi les années d'un socialisme ou de certaines utopies qui n'étaient pas socialistes ou proches du socialisme naissant. En l'occurrence, c'est même le moment où on voit naître le terme même de socialisme, je crois, à peu près dans ces années-là, autour de correspondances de Pierre Leroux, je crois me souvenir. Mais enfin, oui, on voit bien. On voit bien, en l'occurrence, que c'est un moment aussi de contestation de cet ordre qu'on dit bourgeois, de cette société qui est critiquée par ailleurs par Baudelaire dans le salon de 1846. Remarquez bien que la vie noire et la renagogue ont non seulement la beauté, leur beauté politique qui est l'expression de l'égalité universelle, mais encore leur beauté poétique qui est l'expression de l'âme publique. Une immense défilade de croque-morts politiques, croque-morts amoureux, croque-morts bourgeois. Nous célébrons tous quelque enterrement, disait-il, en 1846. Donc il y a la critique qui vient un peu partout aussi de cette société-là en train de se mettre en place. On a parlé du rôle de la littérature, il faut parler aussi du rôle de l'image dans la critique. Là, je crois qu'on ne peut pas, bien sûr, ne pas parler de la caricature qui est un mode, évidemment, de subversion et qui est un mode vraiment qui dépasse largement simplement la lecture ou l'affichage des journaux. Enfin, on sait que la structure de la poire, on n'a pas encore évoqué la poire, mais je crois qu'il faut absolument qu'on le fasse. Je voulais l'éviter, je me disais on va peut-être éviter la poire. Louis-Philippe caricaturé en poire, donc... On la voit partout. C'est vraiment, elle est constamment même. Et on parlait donc de la violence aussi qui peut y avoir contre ce régime, ce régime qui a subi, enfin le roi lui-même a subi un nombre d'attentats absolument incroyables qui fait qu'il ne sort plus quasiment. Enfin, il évite de sortir parce que l'attentat de Fieschi en 35 a fait un nombre très important de morts. Donc il y a cette violence et On sait que Fieschi lui-même avait été quasiment arrêté quelques jours auparavant pour avoir ri justement d'une arrestation de peintre qui avait le graffiti. Qui avait caricaturé, oui. Voilà, c'est très importante. Alors, c'est, bon, alors, ça peut paraître anecdotique, mais je crois que c'est assez profond de voir comment dans une société, on peut déjà avoir cette caricature, cette façon de contester par l'image. Et y en a évidemment bien d'autres. Alors, le fond de la contestation, c'est une protestation sociale, parce que ces années 1840, c'est aussi évidemment un moment de développement du monde ouvrier et de ses revendications et d'une incompréhension de ses revendications aussi par le pouvoir, qui va finalement s'en tenir aussi à une lecture ancienne de la société, des corporations, c'est la façon de ne pas comprendre ce qui se passe à Lyon, d'une certaine manière, et de le traiter par... Donc la révolte des Canuts, par exemple. La révolte des Canuts et par la répression... La plus violente. Alors là, votre Guizot, il est à la manœuvre. Il n'aime pas beaucoup ces mouvements sociaux. Guizot est à tout le monde, Emmanuel Laurent, mais... à vous aussi, bien sûr. Je voudrais renchérir sur ce que dit Sylvie April dans une forme de violence dans l'expression littéraire, imagière et politique. On n'a pas idée aujourd'hui, c'est un ancien fonctionnaire parlementaire qui vous parle, on n'a pas idée de la violence des débats au Palais Bourbon, par exemple, dans la grande crise de 1839, 128 interventions successives, des discours de 5, 6, 7 heures. On entend même des crèves-chiens. Quand crèves-chiens, dira Guizot, c'est pourtant ce cher homme, contre son rival Mollet. Dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle. Ça a été murmuré, mais ça a été relevé par mes collègues de l'époque. Et la violence des affrontements, qui sont quelquefois presque physiques, les injures qui sont proférées, 2-3 heures d'interruption continue de charivari dans l'hémicycle. Véritablement, ce sont des débats qu'on n'a pas vus sous la Restauration, qu'on ne reverra jamais, même au temps d'affaires Dreyfus, à l'Assemblée nationale. Alors ça veut dire il y a quoi, donc une violence d'expression. Violence d'expression qui tient à quoi? Que le régime accepte, supporte, encourt, quelquefois réprime, mais qui... donne cette impression aussi de charivari au sein du social. Et puis la chose que je voudrais ajouter, c'est qu'en effet, Sylvie April a tout à fait raison, c'est que le social n'arrive pas à s'exprimer par le politique. Alors ça marche un certain temps, parce que la question sociale n'est pas encore celle que sera sous le Second Empire ou plus tard. Mais malgré tout, entre une société agricole et une société ouvrière qui commence à se confronter, eh bien il n'y a pas d'issue dans la représentation. Judith Lioncamp, puis Anaïs Quin. Oui, alors pour renchérir encore sur ce que dit Laurent Theis, la littérature va ici jouer un rôle de chambre d'écho de ces revendications considérables. Le succès des Mystères de Paris, donc de Gensu, en 1842, c'est précisément qui est le grand succès littéraire et journalistique de la monarchie de Juillet. C'est justement le fait que cet écrivain, qui d'ailleurs à l'origine ne vient pas du tout de la gauche, hein, mais qui se gauchise lui-même en écrivant, va être capable, dans un feuilleton publié dans un journal, qui est un journal considéré comme proche du gouvernement, de mettre en roman tout ce bruissement social, ce qu'on appelle les plaies sociales, ce qu'on désigne comme le paupérisme, les difficultés de la vie dans les quartiers centraux de Paris qui sont très dégradés, l'opposition entre la ville et la campagne, le travail dans les faubourgs industriels de certaines régions. Tout ceci qui bouillonne, qu'on trouve aussi dans les enquêtes sociales, le travail de Villermé ou de Buret sur la misère en France, etc., tout ceci qui bouillonne dans des milieux relativement cantonnés, se trouve repris dans un roman qui va connaître un écho considérable jusqu'à des gens qui ne savent pas lire, mais qui se font raconter ce qui est raconté dans les Mystères de Paris. Anaïs Quin. Donc finalement, on a cette question du social dans cette espèce littéraire, ce charivari des élus, mais ça ne sort pas de là. C'est-à-dire qu'on a deux sas de décompression, deux espaces de déploiement du thème, sans que cela n'irrigue jamais la politique de Louis-Philippe. Ah, je ne dirais pas jamais, tout de même. Alors, l'idée du gouvernement de Juillet, c'est qu'il y a deux moyens, au fond, d'apaiser la société, puisque ce qu'on recherche, c'est un homme comme Louis-Philippe ou comme Guizot, donc fils de guillotine et tous les deux, comme le duc de Broglie et d'autres, eh bien, ils ont connu 6 régimes politiques avant 1830. L'idée, c'est qu'on pourrait quand même souffler un peu avant de repartir, ou de ne pas repartir. Mais enfin, on pourrait faire Une pause. Une pause. C'est comme dans le Tour de France, il y a des jours où on reste... on fait relâche. Bon. Et deux moyens, au fond, pour stabiliser la société. Le développement de l'économie, qui sur 18 ans n'est pas contestable, même s'il y a des crises ici et là. Et d'autre part, la pédagogie. C'est-à-dire ce développement, non seulement de l'instruction publique, mais des sociétés savantes, de l'histoire de France. En 1833, c'est l'année où Augustin Thierry publie son premier récit sur les temps mérovingiens. C'est le deux premiers tomes de l'histoire de France de Michelet. Ce sont les deux premiers tomes de l'histoire de France d'Henri Martin. C'est la création de la Société d'histoire de France. C'est la création du comité des travaux historiques et scientifiques. C'est la création de l'école d'Athènes. Donc, par le savoir, par le développement pédagogique. Mais ce faisant, par le développement de l'économie et par le développement de l'instruction, eh bien, la monarchie de Juillet, qui ne donne pas cours, donne pas suite à ces innovations, va périr par ses créations mêmes. C'est-à-dire, plus il y aura de gens instruits, plus la contestation montera. Mais notre Guizot, puisque j'ai compris qu'il fallait dire notre Guizot, notre Guizot tout de même, Laurent Theis, notre Guizot, lui, il ne veut pas de réforme profonde du système politique. Il pense que l'élévation du niveau de vie permettra à de plus en plus de citoyens, parce qu'ils seront bourgeois, donc d'obtenir la possibilité de voter, de passer le suffrage censitaire, mais tout cela petit, c'est-à-dire que c'est le profond bouleversement de la société, ça n'est pas dans sa tête à lui et ça n'est pas dans la tête non plus, j'imagine, de Louis-Philippe. Donc, on pense que en enrichissant, alors en reprenant cette formule dont vous dites qu'elle n'est pas de lui a priori, peu importe, en enrichissant les Français, donc Guizot pense qu'au bout du compte, il y aura plus en plus de gens qui participeront à la vie politique et que, comme cela, on pourra faire évoluer tranquillement, justement, dans cette pause voulue. Comme ça, on évitera 1793. Ouais, c'est quand même l'obsession. Ouais. Et on évitera aussi le despotisme napoléonien. Alors, évidemment, entre le vallon profond, les abîmes de la conservation et le progressisme des sommets, eh bien, il y a un petit chemin de coteau que le centre-gauche ou le centre-droit, alternativement, essayent de mener à leur terme. Guizot est sur les positions qu'il avait en 1820, où il était à l'aile gauche de la contestation de la Restauration. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas de changer d'idée. Son idée, elle est arrêtée en 1820. Le système de gouvernement qu'il souhaite, c'est celui-là. Et ce qu'il souhaite, c'est constituer la France en nation. Et c'est pourquoi l'histoire nationale prend chez lui une telle importance. Mais en 1848, on n'est plus en 1820. Sylvie April. Oui, non, mais je crois que de toute façon, enfin, Guizot le dit dans ses mémoires, je citerai moi aussi Guizot, hein, donc le peuple, c'est un chaos d'hommes, de toute façon, c'est quand même assez indéchiffrable, incompréhensible. Toujours quand même cette question de la lecture sociale ou de la lecture impossible de cette société donc, en mouvement. Donc on peut remettre en ordre, effectivement, on doit garder l'ordre, on doit et le faire de façon modérée, parce que évidemment, ce qui est complexe et qui rend ce régime évidemment toujours un peu en contradiction, en ambivalence, c'est sa volonté de ne jamais, même s'il est obligé de le faire, utiliser la violence, parce que la violence, c'est la révolution. La révolution, c'est un couple violence-guerre hein, qui est évidemment dans leur tête et qui fait que finalement, c'est pour ça aussi que le régime se défait, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas lutter contre une révolution. Enfin, c'est l'idée que finalement, on ne peut pas lutter contre une révolution. Elle a gagné une fois, elle regagne. Ce qu'il faut, c'est l'empêcher. Mais comment trouver les moyens de l'empêcher, finalement ? Là, on tâtonne, on hésite, on essaie d'avoir un grand dessein, mais pas forcément, évidemment, en tenant compte de ce peuple qui, lui, évidemment, va choisir d'autres voies que celle du parlementarisme, puisque de toute façon, il n'a pas la parole. Donc, Et puis, cette violence, ça s'exerce de l'autre côté de la Méditerranée, puisque tout compte fait, il faut bien faire quelque chose de cette Algérie qu'on a donc conquise un peu par accident. Et donc, ça va être aussi une des questions centrales de cette période de 1830 à 1848. Laurent Theis, c'est d'un seul coup, qu'est-ce qui va se passer ? On a une deuxième France qu'on est en train d'imaginer de construire. Je crois qu'avant 1848, l'Algérie n'est pas encore au centre des préoccupations. Et d'ailleurs, ceux qui soutiennent la conquête et l'installation en Algérie, c'est la gauche, c'est principalement les Républicains. Mmh. En 1830 encore, même jusqu'en 1834, on se demande si on va la garder ou si on va se contenir sur rester sur la côte, si on va s'installer. Et le mouvement d'immigration, il y a environ 100 000 immigrés qui peuplent l'Algérie en 1848. Ce n'est pas encore une colonie de peuplement. C'est un endroit où on peut aller chercher de la gloire, évidemment, pour les généraux, c'est-à-dire les généraux de l'Empire, par exemple, qui ont soif de victoire, en tout cas de choses militaires, vont en Algérie un peu se défouler, et la dynastie par le duc d'Aumale, qui devient gouverneur général de l'Algérie en 1847, le duc d'Aumale conquiert de la gloire contre Abdelkader, mais ça reste marginal. Sylvie April sur cette... Oui, non, mais je voulais simplement ajouter que cette fabrication de la gloire coloniale, elle est quand même très, très, très présente. Hein. Les grands tableaux présentant la prise d'Isly et la balade d'Abdelkader sont là véritablement pour jouer un rôle moteur dans la création de quelque chose qu'il faut absolument dont on parle, je crois, c'est la volonté de faire dynastie, de pérenniser ce régime par les fils. Le côté familial, dont on n'a pas parlé, qui fait aussi un petit peu anecdotique sur le bon roi, la famille, c'est surtout la volonté de créer une dynastie et de rendre son fils aîné, qui malheureusement donc meurt accidentellement en 42, de le rendre apte à gouverner et à faire un bon roi qui lui-même fera une dynastie. Donc on a cette volonté. Donc l'Algérie participe aussi de cette gloire militaire qui est nécessaire, et surtout pour contrecarrer la gloire militaire napoléonienne, bien sûr. C'est dans le même mouvement qu'on fait revenir les cendres de Napoléon en 1840, que plus tôt on a élevé la colonne Vendôme. Il y a là une scénarisation et une récupération de toutes les gloires de la France. C'est ainsi que ce musée s'appelait. Et donc, depuis les communes sous Louis VI le Gros jusqu'à l'épopée napoléonienne, eh bien... Tout est bon. Tout est bon à prendre. Et c'est de cela que sort d'ailleurs la première historiographie nationale. Judith Lioncan. Avec aussi l'idée que tout ceci doit se diffuser dans le corps social par le local. C'est-à-dire que dans cette entreprise de pédagogie, mais qui consiste aussi à rendre les gens raisonnables, les sociétés savantes locales qui sont extrêmement impliquées, extrêmement valorisées. Il y a eu toute une série de travaux d'historiens sur ce sujet dans les dernières décennies qui sont très, très importants. Donc à la fois l'idée qu'il faut absolument connaître l'histoire de France dans son plus grand détail, dans sa plus grande localité, mais s'appuie là-dessus l'idée aussi que les notables locaux ont un rôle très important à jouer dans le maintien des équilibres sociaux sur place. Donc tout ça va avec une vision de la géographie, d'un ordre social et d'une géographie sociale qu'il faut à la fois connaître, contrôler, maîtriser. Est-ce que devenir notable, justement, est une ambition pour beaucoup de Français dans cette période-là? Est-ce que cette question, justement, d'obtenir la possibilité d'aller voter, d'être assez riche pour l'être, de devenir donc une personnalité, y compris dans son canton ou dans sa ville, est une ambition, selon vous, d'après ce qu'on lit dans les ouvrages de l'époque, en l'occurrence, Judith Lioncan? Disons que... On peut déplacer la question, je ne saurais pas y répondre comme ça. Par contre, l'idée que les uns et les autres observent avec beaucoup d'attention ce qu'on pourrait appeler les stratégies sociales de leurs voisins et la question même de l'ambition, de l'ambition des uns et des autres, est au cœur aussi de toute une série d'écritures, de caricatures. C'est très présent chez Balzac, c'est très présent dans toute une littérature romanesque qui réfléchit à ceci, chez Gozlan notamment. Il y a quelque chose autour de la question de l'ambition. Parce qu'il y a de la mobilité sociale possible. Parce qu'il y a un peu de mobilité sociale et parce que derrière, alors aussi, il y a un aspect démographique dont on pourrait parler, c'est-à-dire qu'il y a quand même une pression de la jeunesse. C'est une question de pyramide des âges. Il y a une pression de la jeunesse qui est derrière et qui veut... entrer dans le jeu et qui va nourrir évidemment la contestation républicaine. Je veux dire qu'il y a un aspect démographique très... Tout Stendhal est là. Laurent Taïs. Oui, Sylvie April. Oui, si on en revient quand même à la société dans un sens plus large, je ne pense pas que les ouvriers des canuts aspirent à devenir députés. Hein, bon, bien sûr, on est loin de ça. C'est pas si sûr. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on rate souvent d'autres formes de protestation qui nous sont très, très, qui sont très éloignées de formes de contestation qu'on peut apercevoir aujourd'hui, qui sont la place de la religion, du catholicisme social, de toutes ces formes de... C'est la grande période de l'amener, par exemple. C'est-à-dire que cette façon de réorienter vers autre chose que le champ politique, la transformation sociale. Voir finalement que à l'égal de ce que le christianisme a été comme transformation pour la société, on essaie de créer une autre religion ou d'autres formes de religion, et donc on quitte la sphère du politique. Donc je crois qu'à la fois il y a ce système, enfin il y a tout à fait ce que dit Julien Durand sur ses ambitions, et aussi d'autres formes donc de contestation, de pensée de la société, de penser la société, qui font vraiment ce tableau, alors là pour le coup complètement difficile à faire rentrer dans un moule temporel. Difficile à faire rentrer dans ce qui était la grande mode de l'époque, un panorama. C'est compliqué de rassembler tout cela dans un panorama. Les formes de la contestation politique sont innombrables et effectivement difficiles à voir. On peut en donner deux exemples. D'abord, on pétitionne à tour de bras puisqu'on ne peut pas voter. Donc on pétitionne énormément. Et ce qui devient un enjeu, ça n'est pas tant le fait de voter que d'avoir le droit de publier ses pétitions. Bon, donc ça, c'est une forme de contestation politique très forte. Et puis dans la presse socialiste de l'époque, quantité de gens essayent de donner à voir des formes de réunions politiques, bon, qui par ailleurs peuvent être sévèrement surveillées, réprimées, mais pas toujours, des formes de réunions politiques, des collègues, des médailles. On parlait hier des goguettes, par exemple. Oui, mais pas seulement la chanson, mais aussi toute forme d'expression. Frapper une médaille pour un écrivain ou pour un ouvrier ou pour quelqu'un, ou publier des listes de gens qui soutiennent quelque chose. Voilà. C'était cette espèce de déploiement des formes de la contestation. Je voudrais compléter ce que disait Sylvie April très justement. On assiste durant cette période, ça n'est pas simplement l'ordre bourgeois, l'ordre gris, ou ce que Baudelaire disait. La redingote de quoi ? Il y a un investissement dans le mysticisme, par exemple, dans l'utopie, bien sûr, et dans des formes renouvelées de la religion. C'est une période très revivaliste. Pour les protestants, qui continuent à former une petite minorité, c'est un moment d'espérance, c'est un moment de conquête. Les conversions sont relativement... beaucoup plus nombreuses qu'elles ont pu être avant et après dans cette période où on se revendique d'un certain libéralisme protestant. Mais au sein de l'Église catholique, il y a ce mouvement de catholicisme social, mais surtout de catholicisme libéral, qui veut concilier les libertés nouvelles avec la religion. Et des gens comme Lacordaire, la réacclimatation des dominicains, par exemple, en France, qui a été une énorme affaire, eh bien, on est passé progressivement, je crois, de la religion de Voltaire, on a retrouvé celle de Bossuet. La période est très anticléricale jusque vers 1840. L'anticléricalisme, il n'y a de relation avec le Vatican qu'à partir de 1843, il faut quand même le savoir. Et les prêtres n'osent pas sortir en soutane jusqu'en 1835-36. Et puis, à partir de là, il y a une reconquête religieuse qui est menée, justement, en contournant certaines formes politiques. Sylvie April. Oui, non, cette présence de la religion, elle est importante. Alors, c'est peut-être pas demi-an, mais c'est les premières apparitions de la Vierge aussi. Hein. On a tout ça. Hein. Et il y a vraiment ce lien entre Dieu et la liberté. Hein, qui est très fort aussi, qui est très difficile pour nous à comprendre. Enfin, cette façon d'investir dans la religion pour y trouver la liberté qu'on ne trouve pas dans le politique. Voilà. Donc, on est dans cette effervescence, effectivement, donc à la fois religieuse, sociale, et que tu décrivais aussi dans toutes les formes de contestation. Les brochures, la place des brochures, même Louis-Philippe lui-même produit des brochures anonymes. Enfin, on est on passe par de multiples formes et c'est peut-être ce qui fait effectivement le côté le plus stimulant de cette période. Oui, ce qui fait qu'après, quand même, on dit c'est une période mal connue, mais ce qu'il en est resté, ce sont des monuments littéraires considérables, toute l'œuvre de George Sand, une grande partie de l'œuvre de George Sand est écrite sous la monarchie de Juillet, tout Balzac. Et donc, dans la transmission, ce régime reste au fond extrêmement présent, notamment dans l'enseignement, mais par les classes de littérature et pas par les classes d'histoire. Et la question, c'est quand même, le roi était-il absent ? Parce que tout compte fait, on a discuté pendant une heure de cette question-là, sans même... tenter, on ne sait pas où était le roi, ce qu'il faisait véritablement. J'ai le sentiment que c'est bon signe. On ne se concentre pas, on ne s'obnubile pas de la personnalité du grand homme, même s'il joue un rôle de plus en plus considérable et, à mon avis, de plus en plus néfaste. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il est parti comme il était venu, c'est-à-dire il a été appelé par un mouvement d'opinion très réel, et il est parti par un mouvement d'opinion largement parisien dans les deux cas, mais qui est également réel. Et au fond, d'une certaine manière, il a rempli son rôle historique aussi bien que d'autres. Voudrais terminer par une petite pointe. En février 1848, il y a à peu près 40 journaux, 40 quotidiens d'opinion politique et générale à Paris. On regrette cette période aujourd'hui. En 1952, il y en a 4. Je veux dire, où est le progrès ? Ouais. Merci, en l'occurrence, Laurent Theis. Je rappelle que vous êtes auteur d'un François Guizot paru chez Fayard. Sylvie April, on peut lire de vous La liberté guidant les peuples. C'est un collectif donc, qui vient tout juste de paraître chez Champvallon, Les révolutions. Révolution de 1830 en Europe, mais aussi votre volume de l'histoire de France chez Belin, 1815-1870. Et puis, on peut vous retrouver toutes les deux, donc Judith Loncan et vous, Sylvie April, dans le dernier numéro de la revue Écrire l'Histoire. Donc, c'est un numéro dans lequel vous intervenez sur un sujet que vous avez déjà traité à la Fabrique ici, c'est-à-dire Barbet d'Aurevilly, en l'occurrence. Oui, justement, et de ces... Barbet d'Aurevilly qui a écrit essentiellement sous le Second Empire, mais qui était un jeune homme sous la monarchie de Juillet. Et en réalité, toute son écriture est hantée, si on peut dire, par la vivacité de la vie culturelle sur le boulevard autour de 1840, et notamment, puisqu'on parlait de religion, de ces discussions enflammées avec un poète qui a joué un rôle très important à cette époque, qui était Maurice de Guérin. Écrire l'Histoire, c'est le dernier numéro de cette revue publiée aux éditions Gossen. Vous en rédigez à mon propos, Sylvie April. Merci encore à tous les trois. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vanna Bolivier, Aurélie Marcet, à la technique Pierrick Moncinet et à la réalisation Renaud Dalmar. Si vous voulez écouter, réécouter cette émission, eh bien, n'hésitez pas à aller sur notre site www.franceculture.fr. Vous y trouvez les bibliographies également, mais vous pouvez également laisser vos commentaires ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Thank you.